La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Le pôle Nord magnétique perd la boussole. Les scientifiques ont enregistré ces dernières années un déplacement d'une cinquantaine de kilomètres par an qui l'entraîne à la vitesse grand V vers l'est de la Sibérie. Il s'agit, paraît-il, du mouvement le plus rapide jamais observé. Cette course folle a même obligé les géologues à mettre à jour avec un an d'avance sur le calendrier prévu le modèle magnétique mondial sur lequel reposent les instruments de navigation. Sa localisation précise représente donc un enjeu très important et cet après-midi, la tête au carré vous emmène justement sur les pôles magnétiques et géographique, afin de comprendre ce qui les distingue d'abord et ce qui fait courir le pôle magnétique ensuite. C'est ce que vont nous raconter nos invités dans un instant, avec vos messages et toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science aujourd'hui, une étude qui transgresse les lois de la génétique. Et oui, des chercheurs sont parvenus à doubler le nombre de bases dans une molécule d'ADN. On passe de 4 à 8 lettres dans un instant. Et dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupin qui revient cet après-midi sur l'interdit sexuel entre médecins et patients. Fanny Boyon réalise cette émission, préparée aujourd'hui par Chantal de Montagnier. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Voilà, pôle magnétique, pôle géographique au menu de notre tête au carré cet après-midi avec mes invités géophysiciens Miohara Mandéa et Gauthier Hulot. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et bienvenue. Que se passe-t-il avec le pôle Nord magnétique? Est-ce que l'on sait pourquoi il se déplace aussi rapidement ces dernières années, Miohara Mandéa? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. En fait, pour nous, les géophysiciens, les déplacements de pôles magnétiques, on les connaît depuis un moment. Mm-hmm. Aujourd'hui, on parle un peu plus parce que c'est important de savoir en continu comment le pôle Nord magnétique se déplace et à quelle vitesse. Ce que nous avons pu observer, c'est que depuis la fin des années 70, il y a vraiment une accélération de déplacement de pôle Nord magnétique. Oui. Qu'aujourd'hui, on est autour de 50-55 km par an. Oui. Sachant qu'avant, à peu près sur un siècle, on avait des vitesses jusqu'à maximum 20 km par an, mais en moyenne, une dizaine de kilomètres par an. Ouais. Gauthier Hulot, on explique cette accélération ou pas? C'est quoi le petit moteur là, qui fait que tout d'un coup, le pôle magnétique avance très vite? Alors, on n'a pas d'explication spécifique sur le détail de l'accélération, mais le fait que le pôle magnétique bouge, c'est en fait le témoignage de ce que l'ensemble du champ magnétique terrestre est en perpétuelle évolution. Mmh. Et il se trouve qu'en ce moment, la dynamique qui gouverne l'évolution de ce champ est assez rapide dans l'hémisphère nord, à proximité du pôle nord, qui est une région particulièrement intéressante pour les Américains en général, et c'est la raison pour laquelle eux sont très concernés par Pourquoi c'est intéressant pour les Américains en particulier? Alors, je cite ça parce que ce sont eux, vous avez cité plus tôt la nécessité de mettre à jour les modèles magnétiques, parce que les modèles magnétiques qui donnent la description du champ magnétique sont utilisés pour donner de l'orientation à beaucoup d'instruments, et en particulier pour des besoins militaires. Mmh. Et comme vous le savez, les Américains ont des besoins militaires assez avancés et ont besoin d'avoir une description du champ qui réponde à des spécifications assez précises. Si le champ évolue trop vite, la description qu'ils ont n'est pas bonne, il faut mettre à jour. Ouais, Miohara Mandéa, c'est ce qui s'est passé cette année. C'était tellement rapide que la mise à jour courait derrière le pôle magnétique quasiment. Hein. Oui, tout à fait. En fait, nous, les modèles qu'on réalise, ce sont en général des modèles sur une base de 5 ans. Et donc, évidemment, entre 5 ans, il y a énormément de changements très, très rapides de champ magnétique. Oui. Et ce sont ces changements-là qu'on veut vraiment arriver à les cerner. Et c'est pour cela qu'on a besoin des modèles qui sont réalisés pas avec une cadence de 5 ans, mais si c'est possible, à l'annuel. Donc, on voit vraiment les problèmes pour les instruments de navigation. Hein. Si les changements sont trop importants et que la mise à jour n'est pas fait, ça peut être vraiment catastrophique. On perd tout de suite le Nord. Voilà, tout de suite pour évidemment pour des enjeux militaires. On va se retrouver dans un instant. On va bien sûr faire la distinction entre le pôle Nord magnétique et géographique, parce qu'évidemment, ça nous intéresse. Et puis, je suis sûr que les auditeurs auront également des questions à vous poser sur l'inversion, paraît-il, possible du pôle Nord magnétique. Allez, on se rejoint dans un instant avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr. C'est parti. Tirage. A. T, C, G. Ben voilà, des chiffres et des lettres aujourd'hui à la une de la science, puisqu'on vient d'entendre les lettres des quatre bases de l'ADN. Et aujourd'hui, Axel, à la une, on en ajoute quatre nouvelles. Un pas vient d'être franchi en génétique et il s'agit d'une étude à la fois intrigante et excitante. Et oui, Mathieu, depuis 4 milliards d'années, depuis que la vie est apparue, elle prospère et évolue grâce à une seule molécule, l'ADN, que Watson, Crick et Franklin ont découvert en 1953 et qui sert de notice de fonctionnement codée à toutes les formes de vie connues. Et aujourd'hui, une équipe de chercheurs dirigée par Steven Berner à Chicago est parvenu à créer une toute nouvelle molécule d'ADN fonctionnelle avec deux fois plus de lettres pour écrire le code génétique qui passe donc de 4 à 8 bases. Et pour comprendre et l'ampleur de cette découverte, nous recevons Philippe Marlière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes généticien et coordinateur de l'équipe génome de synthèse au Génopôle d'Evry. Alors ce travail-là publié par Steven Berner, c'est son travail de toute une vie. En quoi est-ce que l'ajout de 4 lettres dans une molécule d'ADN change tout en génétique ? Ça change tout en génétique parce que ça ouvre une immensité de possibles. On se dit qu'avec 4 bases, on a fait aussi bien des bactéries que des girafes. Donc on se demande ce qui va se passer quand on aura 8 bases. Alors, et bien sûr, il y a un argument un peu plus mathématique, si vous voulez, c'est que la densité de l'information qu'on est susceptible d'incorporer dans c'est une sorte de plastique en fait l'ADN. C'est un plastique informationnel, on dit. Mais la densité vient d'augmenter de manière radicale. Alors si on reste un peu sur la métaphore de l'alphabet, ajouter une lettre, ça a l'air assez simple, on dessine une forme, on invente des mots et des significations, mais en génétique c'est plus compliqué ? Bah, c'est surtout en chimie, oui. Parce que je vais vous donner le nom de, comme vous m'y avez invité. Une des bases, c'est une des nouvelles paires, c'est SB, B c'est en l'honneur de Berner. Oui. C'est 6 amino, 9 déoxyribofuranosyl, 4 hydroxy, 5 hydroxyméthyl, oxolanil. Ça, c'est une purinone, oui, c'est une des bases. Donc ça donne une idée de l'intrication chimique et bien entendu, il faut arriver à la préparer. Mais alors, les quatre lettres dans l'ADN, c'est quoi déjà la base, Philippe Marlière ? Purine, pyrimidine, donc ça a aussi des noms un peu accouchés dehors comme ça. Mais ça sert à quoi ? Pardon ? Qu'est-ce que ça représente exactement ? Qu'est-ce que c'est ? Ce que ça représente matériellement ou symboliquement ? Ben, matériellement, dans l'ADN. Ben, en fait, ce sont les petits drapeaux qui sont de 4 couleurs différentes, qui sont portés par, on dit par une charpente qui est toujours la même. Donc on a toujours la même charpente, mais on a une succession de drapeaux qui est différente. Un peu comme dans la signalétique, si vous voulez. Et donc on est très très proche avec un système comme ça, des 0 et 1 de l'informatique. C'est pour ça d'ailleurs que la grande révolution de Watson et Crick, en 53, dont Axel parlait tout à l'heure, c'est justement d'avoir compris qu'il y avait un langage qui exprimait des caractères héréditaires sous forme de 0 et 1, exactement comme en informatique et au moment où l'informatique se déployait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit l'ADN est fonctionnel, c'est-à-dire qu'on en tire des molécules. C'est une incarnation, c'est le verbe incarné. Voilà, c'est ça. Quand l'équipe dit que le nouvel ADN créé est fonctionnel avec 8 bases, qu'est-ce que ça veut dire alors ? En fait, ce qu'ils ont fait là, aujourd'hui, ils ont fabriqué une double hélice d'ADN à la Watson Crick. Ils ont, avec 8 différentes sortes de bases à parier, etc. Et ils ont montré que ça avait exactement la même forme que de l'ADN normal, premièrement. Et deuxièmement, ils ont montré qu'ils arrivaient à le terme technique, c'est transcrire. C'est-à-dire en faire de l'ARN aussi avec des nouvelles bases. Et donc, il est fonctionnel dans le sens qu'il est une matrice. C'est-à-dire qu'il peut propager, il peut transférer de l'information héréditaire. Donc, on n'en est pas encore à avoir ces nouveaux drapeaux, ces nouveaux signaux chimiques dans in vivo, d'accord ? Donc il n'y a pas d'être vivant pas actuellement encore, avec cet mais ADN. C'est inévitable. C'est ouais. La prochaine fois, ça c'est le but. Ça. C'est ouais. Le but de cette recherche, c'est ouais. Un jour d'incorporer cet ADN dans du vivant. Ça a déjà été fait avec une paire de bases, je dirais, de qualité plus rustique, par Floyd Rommersberg. Mais là, ce sont des vrais. En fait, c'était vraiment un ersatz. Tandis que là, ce sont des bases qui ressemblent vraiment aux bases habituelles de l'ADN. Alors, si on dit que le but à terme, c'est d'incorporer cet ADN dans du vivant. Quel est le but d'accomplir cette prouesse, on va dire, si c'est une prouesse ? En fait, moi je vois ça comme une bonne nouvelle pour l'environnement. Je sais que c'est une position un peu paradoxale, mais ces bases-là, comme on l'a entendu tout à l'heure, sont totalement artificielles. Mmh. Les organismes vivants ne savent pas les faire eux-mêmes. Donc si on a de l'information qui est écrite sous cette forme-là, il va falloir donner ces ingrédients chimiques, c'est sous forme de vitamines ou je ne sais pas quoi, de manière à ce que l'information se propage. Donc ça va être une manière de tenir captif l'information génétique. Oui, parce que spontanément, Philippe Marlière, on a envie de crier à l'apprenti sorcier. On se dit, ouais. Mon Dieu, on est encore en train de bricoler le vivant, qu'est-ce qui se passe ? Non, pour vous, c'est pas un problème. Moi, j'ai tendance à penser, mais après méditation, que plus les objets créés par la technologie sont artificiels, moins ils sont dangereux. Bien sûr, on peut les rendre dangereux si on veut, mais si on ne veut pas, par défaut, je crois qu'ils sont moins dangereux. Alors, si on en parle quand même, Philippe Marlière, aujourd'hui, c'est que les possibilités, une fois qu'on maîtrise cet objet, sont très grandes, vont de la santé jusqu'à l'ingénierie, jusqu'à l'informatique. Expliquez-nous un peu ce qu'on pourrait faire avec cet ADN. Donc, une des premières choses, c'est que, comme on peut, c'est que c'est comme les lettres d'un texte. On peut créer énormément de phrases différentes. Et parmi les phrases de l'ADN lui-même, certaines formes, certaines successions de lettres ont, par exemple, une affinité, ça a été montré il y a longtemps déjà, pour la thrombine, pour des protéines humaines. Donc, on pourrait, comme ça, moduler, par exemple, les associations entre protéines, ou empêcher des enzymes d'agir dans le diabète, des choses comme ça. À terme, c'est ce qui va se passer. Avec un alphabet plus grand, on a beaucoup plus de possibilités d'intervention sur des molécules naturelles. Pour soigner. Pour soigner, comme agent thérapeutique. Par ailleurs, bien entendu, ce qui est prétendu, c'est que on a 64 triplés avec 4 bases, et on en a 512 avec 8 bases. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, un jour, on aura des centaines d'acides aminés dans les protéines, et pas 20, comme aujourd'hui. Vous voyez. Donc tout ça, c'est... Bon, et moi je dirais qu'il y a aussi un truc qui vient moins à l'esprit, mais c'est l'histoire de l'authentification, la densité de l'information. On peut se servir l'ADN quand on dit, vous savez, en criminalistique, hein, on peut chercher des signatures d'ADN hein, dans des délits passés, etc. Là, on va pouvoir laisser de l'ADN avec du texte un peu partout. Hein. Ça se fait déjà derrière des tableaux. Il y a des gens qui veulent en mettre dans les pétroliers pour qu'on sache si on trouve une nappe de mazout en pleine mer, d'où vient le pétrolier. Vous voyez, on peut avoir une signature ADN là-dedans. Et il est clair que plus on a de lettres, si on a deux fois plus de lettres, les messages sont deux fois plus courts. On a une beaucoup plus grande diversité pour faire ça. Allez, une dernière question. Oui, pour vous, le premier organisme vivant qui sera capable de fonctionner avec cet ADN, c'est pour quand ? Je dirais, dans les 5 ans, on aura cette base-là complètement piégée et très à l'aise dans les organismes vivants, bactéries. Oui, c'est ça, on commencera par des micro-organismes, ouais. A priori. Hein. Steven Benner donc, est à l'origine de cette première, avec donc cet ADN à 8 lettres. Et on aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. Ça pose plein de questions, hein, évidemment, pour nos auditeurs, donc on pourra largement y consacrer une émission. Merci, Philippe Marlière. À très bientôt. Axel, à demain. À demain. Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, Vénus n'est plus la planète la plus proche de la Terre selon la NASA. Rassurez-vous, les planètes n'ont pas bougé, c'est seulement la manière de calculer qui change. Si on aligne les planètes sur une belle ligne, comme dans les livres d'école, Vénus est bien notre plus proche voisine. Mais dès qu'on fait tourner les planètes autour du Soleil, comme elles le font d'ailleurs réellement, alors Vénus passe en moyenne plus de temps loin de nous que Mercure. Mercure est donc en moyenne et dans le temps la planète la plus proche de la Terre. Fait intriguant avec cette manière de calculer, Mercure est aussi la planète la plus proche de toutes les autres planètes du système solaire. Faire de l'hydrogène avec de l'eau de mer, l'idée est séduisante tant le besoin actuel en combustible propre est urgent. Jusqu'à aujourd'hui, on savait extraire l'hydrogène seulement à partir d'eau purifiée et très chère à produire, ce qui rendait le procédé peu utile à grande échelle. Une équipe de Stanford rapporte cette semaine dans la revue PNAS qu'il est désormais possible de casser les molécules d'eau pour extraire l'hydrogène directement à partir d'eau de mer grâce à des électrodes adaptées. Reste à voir si le procédé est soutenable à grande échelle. Et puis la semence de bélier résiste à l'épreuve du temps. Le sperme de 4 béliers entreposé depuis 1968 dans un laboratoire australien a été décongelé et utilisé avec succès pour inséminer 34 brebis avec des résultats et des taux de grossesse comparables aux semences récemment congelées. Les chercheurs de l'université de Sydney affirment qu'il s'agit du plus ancien sperme inséminé à ce jour à produire une descendance viable. Les scientifiques pensent que leurs travaux vont permettre d'analyser les progrès génétiques réalisés par l'industrie de la laine au cours des 50 dernières années d'élevage sélectif. Allez, le pôle Nord magnétique et géographique, c'est le dossier de l'émission dans un instant. I feel your love. I feel time is up. When I was a child. A transient hut. The water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? We can't appear inside an old. It's already dead. poet, I knew to be gentle. When you have a child, so begins the braiding, and in that braid you stay. Look at all the peaches. Already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. C'était Aldous Haring à l'instant. Tu vas me chercher les grosses têtes du cours sur le champ magnétique et tu me modélises un champ. Je veux la Terre en 3D pour avoir une carte du champ magnétique. Oh, de la planète Terre ? Oui, la planète Terre, la planète bleue. La tête au carré. Voilà, ben nous on les a, les grosses têtes du champ magnétique justement. Ce sont nos invités, Emioara Mandéa et Gauthier Hulot, puisque le pôle Nord magnétique, on le disait tout à l'heure, a un peu perdu la boussole. C'est le sujet de l'émission pour comprendre d'abord ce qui se distingue entre le pôle Nord magnétique et le pôle Nord géographique, mais aussi eh bien, pour comprendre le rôle exact du pôle Nord magnétique qui avance donc aussi vite ces derniers temps. Emioara Mandéa, vous êtes géophysicienne au CNES et responsable du programme Terre solide de l'observation de la Terre à la direction de la stratégie des programmes du CNES, et vous êtes, paraît-il, la seule femme ayant participé à une expédition dans le Grand Nord pour localiser la position du pôle magnétique. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. On va vous ouvrir le micro. La seule femme scientifique qui a participé à une expédition pour vraiment localiser le pôle Nord magnétique. Ouais. C'était en quelle année exactement ? C'était en 2001. Avril-mai 2001, c'était super. Bon, et vous êtes allé donc sur le lieu même, mais vous avez couru après du coup ou pas alors, C'est très difficile de courir après le pôle Nord magnétique parce que bon, il bouge à l'échelle annuelle décennale, mais il bouge aussi à l'échelle journalière. Ah oui. Ça veut dire que la position donnée dans la journée, elle peut varier jusqu'à une centaine de kilomètres. Ah bon ? Quand même. Oui, en fonction des conditions de météo de l'espace. Des conditions qui n'ont rien à faire avec la météo qu'on connaît chaque jour sur France Inter, mais vraiment météo de l'espace, ça veut dire les conditions géomagnétiques autour de notre planète. Donc un jour vous plantez votre tente et puis le lendemain il faut repartir parce que le pôle magnétique a bougé. Pas tout à fait, on était dans une base scientifique à Resolute Bay et de là nous sommes partis avec un trinotaire loin sur la banquise canadienne parce que le Nord magnétique, on a calculé à peu près les positions en fonction de nos modèles, mais il fallait vraiment le mesurer. Donc nous sommes partis sur la banquise canadienne et c'est là-bas qu'on a fait nos mesures. Bon, c'est pas là qu'il faudrait être aujourd'hui alors, hein, finalement. Aujourd'hui, non, il faut changer. Ça, c'était en 2001. Aujourd'hui, il faut surtout viser, aller vers la Sibérie. C'est ça, hein. Bon, Gauthier Hulot, vous êtes vous géophysicien, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint de l'Institut de physique du globe de Paris. Et vous êtes également un des trois scientifiques chargés d'une mission SWARM. Alors vous, c'est pas le terrain, c'est l'espace plutôt qui vous intéresse. Exactement, oui. Alors On mesure et on surveille l'évolution du champ magnétique de la Terre depuis l'espace, depuis à peu près les années 80, ouais. avec une succession de satellites. Et puis, effectivement, depuis 2013, nous avons trois satellites de l'Agence spatiale européenne qui se chargent de cette mission, ce qui tombe ouais. plutôt bien, puisque la dernière fois que Miura est allé mesurer le pôle, il était encore relativement en basse latitude, si j'ose dire. Mais maintenant, il est très très proche du vrai pôle géographique nord. Ouais. Et là, ça deviendrait vraiment compliqué d'aller le localiser. Heureusement que les satellites s'en chargent. C'est ça, ouais, exactement. Donc ça, c'est vraiment un outil très très précieux aujourd'hui pour cartographier au jour le jour, finalement, la position du pôle nord magnétique. Alors, on pourrait le faire si on le souhaitait. C'est pas absolument nécessaire. Ce qu'on a surtout besoin de connaître, c'est la position moyenne, parce que Miura évoquait le mouvement du pôle tous les jours. Ouais. En fait, le pôle magnétique est en moyenne à un point qui évolue pas trop vite, mais chaque jour, comme il y a des courants électriques dans l'ionosphère, dans la magnétosphère, qui viennent ajouter une composante magnétique au champ magnétique principal produit par le noyau, le pôle a un mouvement apparent qui le déplace à la surface de la Terre. Ouais. Alors, il y a déjà des questions très générales des auditeurs qui sont intéressantes pour démarrer la conversation. D'abord, Laurent demande, est-ce que le pôle sud magnétique bouge aussi? Et si oui, est-ce que c'est à la même vitesse ou de manière symétrique avec le pôle nord? Miura Mandéa, est-ce que vous voulez répondre à Laurent? Oui, avec plaisir, Laurent. En fait, les deux pôles magnétiques bougent, mais nous avons pu observer à partir des mesures que les vitesses de déplacement sont complètement différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons eu des mesures in situ, ça veut dire sur place, d'un côté et de l'autre. Pour le pôle nord magnétique, première mesure date de 1831. Mm-hmm. Pour le pôle sud magnétique, de 1909. Après, on a eu quelques mesures d'un côté et de l'autre. Et ce que nous avons constaté, c'est que le pôle sud magnétique bouge un peu moins vite que le pôle nord magnétique. Ouais. Et on peut dire qu'en moyenne, le pôle nord magnétique sur, par exemple, un siècle a bougé d'environ une vingtaine de kilomètres par an. En moyenne, mais avec une accélération vraiment nette et claire à partir de la fin des années 70. Mais le pôle sud magnétique, il bouge d'environ 5 à 10 kilomètres par an en moyenne. Ouais. Donc Gauthier Hulot, c'est-à-dire que les deux sont indépendants l'un de l'autre ou pas? Alors effectivement, il y a une relative indépendance, ils ne sont pas complètement indépendants, puisque c'est une seule planète qui a son champ magnétique. La source est la même. La source, c'est à l'intérieur du noyau liquide de la Terre, c'est-à-dire le cœur de la Terre qui est de fer et de nickel, dont la partie externe est liquide. Donc quand en fait on a un liquide métallique qui est en mouvement, alors je pourrais expliquer pourquoi, mais ça date depuis la nuit des temps. Vous allez voir, on a un très bon extrait de film dans un instant qui va nous expliquer ça. Mais ce sont ces mouvements qui sont responsables de la production du champ magnétique, et si on devait simplifier à l'extrême, en fait les lignes de champ qu'on se représente assez facilement sortent du noyau et sont un peu comme ancrées dans le fluide du noyau. Et lorsqu'il y a des mouvements dans le noyau, ces lignes de champ se déplacent et les pôles se déplacent à cette occasion. Mais pour répondre précisément à votre question, le pôle nord et le pôle sud ont tendance à être décorrélés parce qu'à l'intérieur même du noyau, il y a une partie solide qui s'appelle la graine qui fait une barrière physique entre le nord et le sud, de sorte que ce qui se passe exactement au nord et ce qui se passe exactement au sud peuvent avoir des vies différentes. Ouais, alors on va écouter ensemble un extrait de ce film Fusion, qui n'a pas beaucoup marqué les esprit, mais quand même qui nous donne une bonne explication du phénomène. Écoutez. Notre planète est entourée d'un champ invisible d'énergie qui se compose d'électricité et de magnétisme, d'où son nom original de champ électromagnétique. C'est pour cela qu'il existe un pôle nord et un pôle sud. Il nous protège des radiations cosmiques. Ce champ électromagnétique est donc notre ami. Mais à l'heure actuelle... À l'heure actuelle, ce champ est en train de se démanteler. Pourquoi? Très bien, je vais essayer d'être simple. La peau... C'est la croûte terrestre sur laquelle on vit, épaisseur 30 km environ. Après, en jaune, c'est le manteau. Le noyau au centre, comme celui de notre pêche, est plus complexe. Il a deux parties, le noyau interne et le noyau externe. Tout le monde suit bien? Le noyau interne, ou graine, est un bloc solide de fer. Enfin, c'est ce que nous pensons. Et cette graine est entourée par le noyau externe, qui, lui, est liquide. Il importe de préciser que cette masse liquide tourne constamment dans le même sens. Donc des milliards et des milliards de tonnes de métal en fusion se déplacent en tournant à des milliers de kilomètres heure. Exact. Physique élémentaire du métal en fusion et en mouvement crée un champ électromagnétique. Ce tourbillon liquide du noyau est le moteur qui entraîne le champ électromagnétique. C'est là que nous avons un problème. Ce moteur, à quel est le noyau de la Terre ne tourne plus, messieurs. Tout le monde sur Terre sera mort dans un an. Ah voilà, la conclusion est radicale, hein, effectivement. Alors qu'en pensent nos deux scientifiques d'abord? Est-ce que vous validez toutes les informations qui ont été données? J'ai vu que Muar Ramon était à peu près d'accord. Gauthier Hulot, ça s'est gâté sur la fin de l'extrait. Oui. Si au début j'étais tout à fait d'accord, c'était parce que bon, j'étais contente de voir cette description de l'intérieur de notre planète avec la croûte, le manteau, le noyau liquide et puis la graine. Ouais. Donc tout ça c'est bien avec le fait que dans le noyau liquide il y a des mouvements et que ce sont ces mouvements qui forment le champ magnétique principal ou qui est le champ qui nous protège, si on veut, de tout ce qui est particules chargées qui viennent les de radiations cosmiques, hein, tout à fait. Mm-hmm. Mais après, les informations n'étaient pas tout à fait correctes. Gauthier Hulot, s'il vous plaît, sur quoi ça commence à pêcher là? C'est sur la description de ce qui se passe dans le noyau liquide. Alors, c'est vrai que le noyau liquide est animé de mouvement. Il n'est pas son mouvement, c'est pas une rotation en bloc. Et bien sûr, le noyau tourne avec le reste de la Terre une journée. Mais les mouvements qui animent le noyau, eux, sont des mouvements qui sont plus compliqués et beaucoup plus lents que ce que l'extrait dit. En fait, les mouvements, justement, sont comparables à celui du pôle magnétique. Donc, c'est plus de l'ordre de la dizaine de kilomètres par an. C'est une dizaine de kilomètres par an, voire 50 kilomètres par an à certains endroits, etc. Et donc, c'est pas de manière spectaculaire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si on imagine par la pensée que le mouvement devait s'arrêter, si on gelait le noyau d'un seul coup, on sait que le champ magnétique s'éteindrait progressivement en à peu près 50 000 ans. Alors, ça prendrait un certain temps, mais le champ magnétique disparaîtrait. Mais heureusement, le noyau de la Terre est encore chaud et il n'est pas prêt de geler et le champ magnétique n'est pas prêt de disparaître totalement. D'accord. Il est chaud pendant combien de temps d'ailleurs encore le noyau de la Terre, Muar Amandéa, a priori? Mais aujourd'hui, on sait qu'il est là, qu'il est chaud, donc pour l'arrêter, Encore quelques milliards d'années. Mais on l'espère bien, oui. Donc si ça s'arrêtait, c'est pas en un an que la vie disparaîtrait, comme il est dit là dans cet extrait. Alors, c'est le champ magnétique qui disparaîtrait, ça n'entraînerait pas forcément la disparition de la vie. Ça, c'est un point important. Ça serait éventuellement au long terme, parce que comme il était dit, le champ magnétique protège la Terre de tout ce qui est particules chargées, rayons cosmiques et vent solaire. C'est-à-dire les particules qui arrivent du soleil. Donc très précieux, Ça, c'est très précieux, mais si jamais le champ magnétique disparaissait, c'est finalement l'atmosphère qui serait la dernière protection. On resterait protégé, mais très vraisemblablement, comme ça s'est passé sur d'autres planètes où le champ magnétique a disparu, comme Mars, ça altérerait au long terme la nature de l'atmosphère et donc très vraisemblablement aussi la nature de la vie sur Terre. Allez, on a plein de questions pour vous des auditeurs et puis on va quand même faire la distinction avec le champ géographique et le champ magnétique géographique dans un instant avec vous. Le pôle géographique, ce sera notre dossier de la tête au carré. Y'a pas de courage sans peur, je serre les dents. Quand c'est le temps qui prend, je fais un piano. Le passé vient frapper comme une gauche, je serre les dents. Le corps qui d'un coup se désaccorde, va piano. Toujours sourire, serre les dents. Resserre les dents, toujours sourire. Va piano, ouais, va piano. Va piano. va piano. C'était Hervé. La tête au carré. Sur France Inter. Ceux qui croyaient avoir perdu le Nord peuvent être rassurés, il a été retrouvé. Des scientifiques canadiens ont en effet déterminé avec précision où se trouvait exactement le pôle magnétique dont on avait perdu la trace depuis 11 ans. Ils ont même pu constater avec surprise que depuis cette date, il était remonté de 100 km vers le Nord. Et ça, c'était en 1985, Moira Mandéa et Gauthier Hulot. Alors, est-ce que ça vous rappelle les souvenirs? On avait perdu la trace du pôle magnétique. Comment il faut interpréter cet extrait des actualités sur France Inter? Alors d'abord, ça date d'un certain temps, oui. Donc je ne enfin, crois vous pas étiez avoir né, entendu quand même. L'actualité. J'étais né, mais par contre, je pense pouvoir donner un éclairage sur la question, parce qu'en fait, la localisation du pôle magnétique nord, comme Miora le disait, se faisait jusqu'à l'avènement des mesures de qualité depuis l'espace, essentiellement par des levées qui étaient faites au sol. Et les expéditions canadiennes qui mettaient ça régulièrement à jour, pour des raisons, j'imagine, techniques ou autres, avaient peut-être pas pu réaliser cette localisation. Et comme le mouvement était déjà relativement rapide, ils en avaient perdu la trace. Pour information, la première mission satellitaire vraiment capable de localiser le pôle, c'était en 1980, un satellite américain qui n'a volé que 6 mois. Et après, il a fallu attendre pratiquement les années 2000 pour qu'on puisse le faire de manière régulière. Donc je pense que cet extrait vient de cette situation. Miora Mandéa, un petit complément là-dessus. Oui, je peux apporter un complément à ce que Gauthier vient de dire. En fait, une expédition canadienne a eu lieu en 1994, après à peu près 10 ans d'une autre expédition canadienne. Donc à l'époque, c'était vraiment le territoire canadien qui avait en charge ses missions sur le terrain pour positionner le pôle nord magnétique. Et je pense que comme on a eu quand même une décennie entre les deux expéditions et deux mesures, évidemment qu'on a dit sur l'antenne, mais voilà, on l'a retrouvé après 10 ans. Et ça fait la une des journaux. Mais il est toujours là, heureusement. Alors Gauthier Hulot, différence entre pôle nord magnétique, pôle nord géographique, ou pôle sud d'ailleurs, on pourrait dire la même chose. Qu'est-ce qui les distingue fondamentalement? C'est très simple, mais il faut juste l'avoir en tête. Voilà, alors les pôles géographiques, en fait, ce sont les traces au sol de l'axe de rotation de la Terre. La Terre tourne sur elle-même en un jour. Il y a un point qui, lui, ne tourne pas. Si c'est le point où, quand on regarde le ciel, si on élève les yeux et qu'on regarde les étoiles pendant longtemps, on voit les étoiles qui dessinent un cercle au-dessus de soi. Ouais. Donc, ce point-là, il y en a un au pôle nord et un au pôle sud, géographie. Voilà, on peut tracer une ligne on a notre axe. Et par définition, ils sont antipodaux. Ils sont exactement à l'opposé l'un de l'autre. Par contre, le pôle magnétique nord ou sud, ce qui les distingue, c'est la position, c'est l'endroit sur Terre où le champ magnétique est vertical. Alors, il est vertical parce qu'il sort de l'intérieur de la Terre à l'hémisphère sud, c'est le pôle magnétique sud, et il est vertical en rentrant à l'intérieur de la Terre, dans le nord, c'est le pôle magnétique nord. Mais ceux-là ne sont pas exactement au pôle géographique, et ils ne sont pas non plus antipodaux, et c'est lié à la nature du champ magnétique et à la façon dont il est engendré. Alors, juste une précision, ils sont quand même jamais très loin du pôle géographique nord et sud. Alors quand je dis pas très loin, ils peuvent être à 20 degrés, comme c'est le cas d'ailleurs par exemple dans l'hémisphère sud aujourd'hui, le pôle magnétique sud est très loin du pôle géographique, contrairement au pôle magnétique nord qui est très près du pôle géographique. Mais en moyenne, ils tournent toujours plus ou moins, et ça c'est parce que le noyau de la Terre liquide va sentir la rotation de la Terre. Donc il sait quand même où est le pôle géographique nord, le pôle géographique sud, et par la physique du phénomène, eh bien, ça va se traduire par un pôle qui se promène autour des pôles géographiques. Et Miora Mandéa peut même faire mieux en ajoutant un autre pôle. Ah oui, si vous voulez, on peut. Donc il y en a trois en réalité. Mais on peut penser que la Terre c'est une planète à trois pôles. Ouais. On a les pôles géographiques, les pôles magnétiques, et puis on peut penser aussi à une notion, les pôles géomagnétiques. Allons bon. Ça veut dire ça veut dire qu'on peut imaginer en première approximation que le champ magnétique de la Terre c'est vraiment un dipôle, et les deux points où ce dipôle vont pointer la surface de la Terre, ce sont les pôles géomagnétiques, et ces deux pôles seront des pôles qui sont vraiment symétriques. Mmh. Bon, on va se contenter des deux premiers, si vous voulez bien, hein, pour essayer déjà d'éclaircir un petit peu la situation. Je pense que n'importe qui a une idée de ces deux pôles, le pôle magnétique et le pôle géographique, parce qu'en fait, c'est la boussole, c'est l'instrument qui nous apporte, qui nous approche de ces deux pôles par l'angle qui nous donne entre la direction de pôle magnétique et la direction de pôle géographique, qui est la déclinaison magnétique. Guillaume demande, Gauthier Hulot, si la Terre est la seule planète du système solaire à disposer d'un champ magnétique. On fait le tour du système, justement ? Non, là, pour répondre de manière simple, d'autres planètes ont un champ magnétique et d'autres n'en ont pas. Alors, Mercure, par exemple, pour prendre celle qui est la plus proche du Soleil, enfin, si j'ai bien compris. La plus proche de nous, finalement. A un champ magnétique. Par contre, si je prends l'exemple, on va pas le passer tout en revue, mais si je prends l'exemple de Mars, on sait que Mars a eu un champ magnétique. Ça, on en est certain parce que ce champ magnétique a aimanté la surface de Mars. Et il a disparu définitivement. Définitivement. Et voilà un exemple de planète qui a eu un champ magnétique et qui n'en a plus. Ah. Et puis vous avez sinon, effectivement, les planètes géantes ont les gazeuses un champ en ont magnétique. Aussi. Hein. Oui. Murat Mandéa, disparition définitive du champ magnétique martien ou pas alors ? On peut penser que le champ principal, ça veut dire le champ du noyau comme pour la Terre, a disparu, mais pas la composante crustale. Parce qu'aujourd'hui, Mars est caractérisé par un champ crustal qui est très très important, qui est quelque part très intéressant parce qu'il y a une dichotomie entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud de Mars. L'hémisphère nord martien n'a pas vraiment de champ magnétique ou très très faible, mais du côté sud, on a vraiment un champ crustal qui est très très important, des fois 40 fois plus important que le champ crustal de la Terre. Donc, encore une fois, il faut faire attention entre les notions. Et peut-être pour les auditeurs, préciser ce que Miura appelle le champ crustal, c'est le champ produit par les roches qui sont elles-mêmes aimantées. Et dans le cas de Mars, ce sont des roches qui ont été aimantées par le passé quand il y avait le champ principal et elles ont gardé cette aimantation. Donc il y a finalement ce qu'on pourrait appeler un champ magnétique fossile. Ouais. À partir de quand d'ailleurs on a commencé à pouvoir se diriger en fonction du champ magnétique, Gauthier Hulot ? Alors ça remonte à quand dans l'histoire ? Alors, il y a toujours des débats pour savoir exactement, mais tout le monde s'accorde pour dire que les premiers à avoir eu conscience, ou en tout cas, on a la trace historique de ce qu'ils en avaient conscience, ce sont les Chinois, qui, dans des époques reculées, alors j'ai plus les dates en tête, mais ça remonte à la Chine très ancienne. Parce que les grands navigateurs du 15e siècle, par exemple, disposaient de ces instruments aussi pour se diriger. Bien sûr, alors, en fait, si on fait un historique ultra rapide, donc on a la trace de ce que les Chinois avaient pris conscience de l'existence du champ magnétique et de l'utilité du champ magnétique pour s'orienter, ce qui est une deuxième chose. Absolument, oui. Mais après, très rapidement, finalement, partout dans le monde, à partir du moment où les gens ont pris conscience de l'utilité de la boussole, du principe de la boussole, l'intérêt stratégique était tel que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le magnétisme terrestre ou le géomagnétisme est une des sciences les plus anciennes et c'est un très bel exemple de synergie entre la science fondamentale et la science appliquée. Oui. Et aujourd'hui encore, beaucoup d'avancées que l'on peut faire sur notre compréhension de la Terre viennent de ce que des gens ont fait des mesures les siècles passés pour établir des cartes, pour permettre la navigation, notamment les Britanniques, toutes les grandes puissances coloniales à toutes les époques. Et ces données-là aujourd'hui sont encore utilisés pour les études scientifiques. Murat Mandéa ? Oui, ce que je voudrais noter aussi, c'est parce qu'on est dans la partie historique, c'est que du côté français, on a fait quand même des choses magnifiques. Et je voudrais citer deux. C'est que la première mesure de déclinaison magnétique faite à côté de Paris, c'était en 1541. Donc vous imaginez, ça fait un peu de temps. Et on a une très belle courbe de variation de déclinaison magnétique à Paris. Et deuxième chose, peut-être un livre publié en 1602 avec les privilèges du roi, s'il vous plaît, par Nottonier. Et dans ce livre, il y a une carte. Et sur ces cartes, on voit les pôles géographiques et deux endroits qui sont différents où c'est écrit en latin Polus Magnetus, donc les pôles magnétiques de la Terre. Et ce livre, vous en êtes servi ou pas ? Oui, et vous a beaucoup inspiré. Je l'ai lu dans mes mains, un livre publié en 1602, c'est vraiment émouvant. Adèle demande, est-ce que le pôle magnétique n'est pas une information périmée à l'époque du GPS, Gauthier Hulot ? Alors non, aucune information n'est périmée en science, notamment lorsqu'il s'agit de comprendre les phénomènes naturels, et même d'un point de vue pratique. Je résumerai en une phrase, le champ magnétique ne tombe jamais en panne. Ouais. Voilà. Et par conséquent, pour beaucoup de besoins, il est fiable. Mmh. Et les instruments, on a toujours des instruments pour pouvoir le mesurer en cas de défaillance d'autres instruments. Alors, la fonction du GPS, c'est de localiser. L'utilisation du champ magnétique, c'est plutôt d'orienter. Oui. La combinaison des deux est très utile. Tous les systèmes savent tirer parti de l'ensemble des informations disponibles. Allez, encore plein de questions pour vous dans un instant sur franceinter.fr. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis. Pour donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. La route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair. C'est clair, j'ai rendu à mes amplis. Pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Tranquille. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. C'était Silmarils en 2000. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà, en compagnie de deux géophysiciens, Mioara Mandéa et Gauthier Hulot, pour parler du pôle Nord magnétique et géographique. Chloé demande, que fait une boussole quand elle est placée juste au-dessus du pôle magnétique, Mioara Mandéa, puisque vous étiez, vous, sur place en 2002. Oui, tout à fait. Donc la boussole, comme je vous ai dit, c'est elle qui nous indique le nord ouais. magnétique. Donc nous sommes sur le nord magnétique. Donc la boussole, elle est vraiment perdue. Elle est un peu perdue, effectivement. Gauthier Hulot, on va entendre la voix de quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Émile Tellier. C'est un document de 1958. Il était astrophysicien et ancien directeur de l'Institut de physique du globe de Paris. C'est un nom important dans votre domaine, hein? Tout à fait. Alors, je dois avouer que je n'ai pas eu la chance de faire sa connaissance, ouais. mais c'est effectivement mais une grande bien, personnalité. Évidemment, ouais, ouais. Je connais ses travaux, oui. Allez, on va l'écouter tout de suite, donc, archive de 58. Quand on remonte à quelques siècles en arrière, on a des mesures de moins en moins nombreuses, il n'y avait pas d'observatoire magnétique, on ne faisait pas de campagne de mesure, en particulier sur les mers. Eh bien, en fait, on est capable actuellement de retrouver la direction et même l'intensité du champ terrestre dans le passé, parce qu'il se trouve que des corps comme les terres cuites et les roches volcaniques ont de singulières propriétés. Ce sont des corps très peu magnétiques, mais qui ont des propriétés magnétiques très différentes de celles des aimants ordinaires. Ces corps, lorsqu'ils se refroidissent dans un champ magnétique, prennent une aimantation qui est relativement forte, même dans un champ très faible comme le champ terrestre, et qui est très solide. Alors, le résultat, c'est que une coulée de lave qui a coulé il y a 1000 ans, s'est aimantée dans le champ qui existait il y a 1000 ans, et sa direction d'aimantation est celle qu'avait le champ terrestre il y a 1000 ans. Il semble enfin que le champ magnétique terrestre, au cours des temps, tout en variant en direction d'une 20-30 degrés comme nous le voyons varier, n'aurait pas changé fondamentalement sa direction. Mais, suivant cette direction, il aurait de temps en temps changé de sens. C'est un phénomène étrange. Il serait complètement inversé. Oui, c'est le problème de l'inversion du champ. Et c'est un problème qui intéresse beaucoup nos auditeurs. La voix d'Émile Tellier à l'instant, Miora Mandéa, Gauthier Hulot par exemple, Paul qui nous envoie un petit message sur franceinter.fr en demandant s'il est possible justement de voir encore aujourd'hui une inversion du pôle magnétique et par exemple le pôle du Nord passer au Sud. Alors Gauthier Hulot. Alors la réponse est oui, bien sûr, on s'attend à ce qu'un jour le champ magnétique s'inverse à nouveau. Alors on a eu la voix émouvante de Émile Tellier, qui est l'un des pionniers de cette technique qui consiste à aller rechercher dans des objets anciens ou des roches anciennes l'enregistrement du champ magnétique passé de la Terre, et c'est grâce à ces enregistrements que l'on sait qu'il y a déjà eu des inversions, ce qu'il évoque dans son propos. Et ces inversions, bien entendu, ont été très largement étudiées, donc on sait que elles se produisent de manière relativement régulière à l'échelle géologique. La dernière fois, c'était il y a 780 000 ans à peu près, et on s'attend à ce qu'une inversion se produise à nouveau. Toute la question, c'est quand est-ce que ça va se produire? Et qu'est-ce que ça produit? Parce que, alors, d'ailleurs, j'ai plusieurs questions à vous poser, Miora Mandéa. Ces roches qui enregistrent justement l'information d'une inversion du pôle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que justement cette mémoire existe dans la roche alors? Cette mémoire existe parce que il y a des roches qui, par leur composition, évidemment, il y a des particules de fer dedans. Mmh. Et quand nous avons du magma qui va venir de l'intérieur de la Terre à la surface de la Terre, qui va se refroidir, ça va se passer dans le champ magnétique de l'époque. Où ça se passe. Quand ça se passe. Et donc, cette roche-là va garder la mémoire de ce champ magnétique. Et ce sont par des mesures dans les laboratoires qu'on peut déterminer si une roche, et on sait la position d'où elle a été collectée et tout, c'était dans un champ qui est comme le champ d'aujourd'hui, donc ça veut dire un champ normal qu'on l'appelle, relativement stable, ou dans une autre direction. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir une échelle des inversions de champ magnétique. Une inversion comme il y a 780 000 ans, ça se passe très vite dans le temps? C'est une opération qui est réalisée très rapidement À l'échelle géologique, c'est très vite. Ouais. À l'échelle, à notre échelle, Il faut combien de temps? Il faut imaginer qu'il faut combien de temps à peu près? Environ, c'est de l'ordre de 1000 ans. Mais on a eu quelques des articles récemment de chercheurs qui même sont venus avec l'idée que ça peut se passer beaucoup plus vite, à la centaine d'années. Gauthier Hulot, donc ça existe, ça a existé, on en a la preuve aujourd'hui. Oui. La cause et les conséquences. Alors, la cause... Alors d'abord, je voudrais préciser un point, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès ces derniers temps sur notre compréhension générale des inversions du champ magnétique terrestre grâce à la simulation numérique qui permet de simuler le comportement du champ magnétique terrestre de la même manière qu'on peut faire une simulation de la circulation atmosphérique ou océanique. Et lorsqu'on fait tourner des codes de cette nature, c'est relativement récent, ces codes n'existent finalement que depuis la fin des années 80 et maintenant ils sont bien plus avancés, on constate que des inversions sont effectivement simulées. C'est-à-dire qu'on les voit arriver, on les voit se produire. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui mène à une inversion. C'est-à-dire qu'on a beau scruter en détail, il y a beaucoup d'études là-dessus. On ne connaît pas la cause réellement. On ne connaît pas véritablement la cause. Alors, on peut éventuellement mettre en évidence des circonstances favorables. Lesquelles, par exemple? Alors, c'est par exemple un préliminaire, c'est que le champ magnétique commence par décroître. On n'observe pas d'inversion avant que le champ magnétique ait commencé par décroître progressivement. Il y a d'autres signes que l'on peut rechercher. Et là, je donnerai une analogie. C'est un petit peu comme vous avez des conditions météorologiques qui vous permettent d'avoir un orage, mais après, comment prévoir à quel moment un éclair va se produire? C'est impossible. Alors, dans l'immédiat, on ne sait pas exactement prédire les inversions. On sait un petit peu peut-être prédire l'évolution du champ magnétique, mais à très court terme. Et les conséquences alors d'une inversion, ça donnerait quoi par exemple si ça se passait aujourd'hui? Alors pour l'essentiel, le champ magnétique devenant moins intense, on a déjà évoqué ça plus tôt, on serait moins protégé du vent solaire, de l'activité solaire, et de manière générale, les conséquences de ces activités seraient plus importantes. Alors un auditeur, je crois, ou quelqu'un disait tout à l'heure, évoquait les aurores boréales. On pourrait imaginer par exemple d'avoir des aurores boréales un peu plus souvent et un peu partout, même sous nos latitudes, y compris sous nos latitudes. latitude. Ouais. Mais globalement, on aurait plus de particules qui nous parviendraient. Ça ne présenterait pas de danger immédiat, si ce n'est pour la technologie en orbite autour de la Terre. Patrice nous dit, des aurores boréales ont été vues il y a quelques années jusqu'en Meuse. Quelles sont les conditions pour que ce phénomène se renouvelle? Le changement du pôle magnétique serait-il susceptible de le multiplier? On a déjà eu un petit bout de réponse là, Nuora Mandea. En fait, c'est très intéressant parce qu'on a l'habitude d'aller chercher et être émouvé par les aurores boréales dans le Grand Nord. Oui. Mais c'est vrai qu'on a pu voir des aurores boréales aussi bas. Et tout ça, c'est lié à ce qu'on on appelle... dans notre jargon, des orages magnétiques. Oui. Donc, rien, encore une fois, à voir avec les orages météo. Oui. Ce sont ces tempêtes magnétiques qui sont liées au vent solaire. Oui. Donc, il y a des éruptions à la surface du soleil. Il y a un vent solaire qui est très puissant, qui va venir en contact avec le champ magnétique de la Terre. Et c'est ça qui va produire des aurores boréales qui vont descendre à des basses latitudes. Ben, on aimerait bien en voir, en tout cas, pouvoir assister à ce c'est spectacle. Magnifique. Ben c'est oui, très c'est beau. Très très beau, bien sûr. Dernière question très vite. Alain nous dit, les mouvements du pôle nord magnétique ont-ils une influence sur le climat, Gauthier Hulot? Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, on n'a pas de preuve immédiate de l'influence du champ magnétique sur le climat, mais c'est un sujet d'étude. Je dirais de manière simple, le champ magnétique nous protégeant et guidant les interactions avec le Soleil, une partie de l'énergie qui nous parvient du Soleil est guidée en partie par le champ magnétique. L'impact exact, c'est un sujet d'étude. Bon, parmi d'autres. Et c'est un autre sujet de tête au carré. Alors finalement, exemple, on aura l'occasion de vous réinviter. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. Nuora Mandea et Gauthier Hulot, géophysiciens tous les deux. Merci beaucoup aux auditeurs également pour les nombreuses questions arrivées au standard. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. Vous revenez sur l'interdit sexuel entre médecins et patients dont nous avions parlé ici il y a tout juste un an maintenant. Oui Mathieu, nous avions entendu le témoignage poignant de Cassandre, séduite par son psychiatre, dont la vie a été dévastée par cette relation toxique. 6 mois auparavant, Marie, victime elle aussi de son psychiatre, m'avait contacté car elle voulait que le code de déontologie des médecins mentionne l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec les patients. Parce que ça n'était pas le cas. Et oui, c'est incroyable, j'en avais été le premier surpris d'ailleurs. Cet interdit sexuel qui semble aller de soi était évoqué indirectement dans le code de déontologie. Il était question de probité, de respect de la dignité des patients, mais ces concepts généraux permettaient toutes les interprétations. Pire, le serment d'Hippocrate, tel qu'il est prêté solennellement par les médecins qui soutiennent leur thèse, ne comporte plus un paragraphe important, vieux de 2000 ans, qui était très clair. Dans quelques maisons que j'entre, je me garderai de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves. C'était beau quand même. Hein. Mais c'est si fréquent que ça, quand même? Bah non, ramené aux 200 000 médecins français en exercice, les quelques dizaines de plaintes annuelles n'en concernent qu'une infime minorité. Mais les conséquences sur les victimes sont dramatiques. Et donc, j'avais soutenu Marie et d'autres victimes qui demandaient à la ministre de la Santé une mise à jour du code de déontologie. Et notre pétition avait été largement médiatisée en mars 2018. Et donc, un an plus tard, Dominique? La ministre de la Santé est restée muette et le Conseil de l'Ordre des médecins a réagi plutôt négativement lors de la sortie de notre pétition. Mais il est resté ouvert au débat et nous avons travaillé ensemble pour aboutir à un compromis satisfaisant. Alors, c'est-à-dire? En fait, si le code lui-même n'a pas été modifié, l'Ordre des médecins a mis à jour son interprétation, sa doctrine, en précisant bien que les médecins doivent s'abstenir de relations intimes au sein de leur clientèle. Et l'Ordre va jusqu'à préciser que de telles relations avec un patient en état de fragilité psychologique s'apparentent à un abus de faiblesse. C'est une reconnaissance de l'importance de l'emprise ou de l'effet de surprise dont profitent certains médecins pour séduire ou agresser sexuellement des victimes en état de sidération. C'est vraiment un immense progrès, car cette nouvelle interprétation cite la jurisprudence de la Cour disciplinaire nationale. Si des relations sexuelles, même présentées comme consenties, sont avérées chez un patient ou une patiente vulnérable, la victime aura gain de cause en appel, même si elle a perdu en première instance devant une cour disciplinaire régionale. Et enfin, l'Ordre va publier sur son site une page destinée à diriger les victimes vers des associations de soutien et il précisera les différentes démarches à envisager en cas de plainte. Bon, c'est bien comme ça. Et comment réagissent vos confrères? Plutôt mal. En tout cas, ceux qui postent sur les réseaux sociaux. Mais bon, tous les progrès qui renforcent les droits des femmes ont eu leur lot de détracteurs. Une fois l'émotion passée, cet interdit paraîtra naturel, comme c'est le cas dans la quasi-totalité des pays développés. Merci beaucoup Dominique. À la semaine prochaine.